l'aiguille, l'aiguille. Mais je joue à la manille et à la révolution. J'ai le sens de la famille, alors je joue du canon. Car chez nous, de père en fille, en fille, on voit de la tequila en fusil. Nous faisons brûler des villes, nous faisons sauter des ponts. C'est le temps de la manille et de la révolution. J'ai peur, le fils du dictateur. Je connaîtrai les brindilles sur l'herbe du champ voisin. J'ai peur, le fils du dictateur. Mes sœurs, toutes les nuits en rêve, rêve, rêve. Mais chez nous, de père en fille, en fille. Moi j'aime mieux les jonquilles qui sont les fleurs de passion. Mais je joue à la manille et à la manille.